En famille, mon premier-né. C'était le 15 février au soir, il faisait un froid de loup. La neige battait les vitres et le vent sifflait avec rage sous les portes. Cependant, mes deux tantes, assises autour d'une table dans un coin du salon, poussaient de temps en temps de gros soupirs et, tout en s'agitant dans leur fauteuil, lançaient à chaque instant des regards inquiets vers la porte de la chambre à coucher. L'une de mes tantes avait tiré d'un petit sac en peau, resté sur la table, son chapelet indulgencier et le disait à deux mains, tandis que sa sœur, mon autre tante, lisait en remuant les lèvres un volume de la correspondance de Voltaire qu'elle tenait fort éloigné de ses yeux. Pour moi, j'arpentais le salon à grands pas en mâchant ma moustache, une mauvaise habitude dont je n'ai jamais pu me défaire, et je m'arrêtais avec angoisse devant le docteur C. Un vieux camarade à moi qui lisait tranquillement le journal, enfoui dans le plus douillet des fauteuils. Je n'osais troubler sa lecture, tant il y paraissait plongé. Mais au fond, j'étais furieux de le voir aussi calme, lorsque moi-même, j'étais si agité. Tout à coup, il jeta le journal sur le canapé et passant la main sur son crâne brillant, « Ah, si j'étais ministre, ce ne serait pas long, ça ne serait fichtre pas long. Tu as lu cet article sur les cotons d'Algérie ?» De deux choses l'une, ou les irrigations. Mais tu ne m'écoutes pas, c'est pourtant plus grave que tu ne penses. » Il se leva, les mains dans ses poches. Il arpenta la pièce en chantonnant un petit air d'hôpital. Je le suivais pas à pas. « Jacques, lui dis-je, au moment où il se retournait, dis-moi bien franchement, es-tu content ?»« mais oui, je suis content. Regarde la limpidité de mon regard. » Et il éclata de son bon gros rire un peu brillant. « Tu ne me caches rien, cher ami. Dieu que tu es bête, mon pauvre capitaine, quand je te dis que cela va bien. » Il reprenait sa petite chanson en faisant sonner l'argent qui était au fond de sa poche. « Ça va bien, mais faut le temps. Fais-moi donc donner une robe de chambre. Je serai plus à mon aise pour passer la nuit et ces dames m'excuseront, n'est-ce pas ? Si elles t'excuseront, toi, mon docteur, mon ami, je l'aimais avec passion ce soir-là. Eh bien alors, si elle m'excuse, tu pourrais bien me prêter une paire de pantoufles. » À ce moment, un cri douloureux se fit entendre dans la pièce voisine, et l'on entendit distinctement ces mots entrecoupés par la douleur. « Docteur ! Ah mon Dieu ! Docteur ! Ah, c'est affreux !» murmurèrent mes tantes en s'agitant dans leur fauteuil. « Mon bon ami, m'écriai-je en saisissant le bras du médecin, tu ne me caches rien, bien sûr !» « Si tu en as de large, ça irait mieux. Je n'ai pas un pied de jeune fille. Je ne te cache rien, je ne te cache rien. Qu'est-ce que tu veux que je te cache ? Ça va très bien, mais comme je te l'ai dit, il faut le temps. Au fait, dis donc à Joseph d'aller me chercher une de tes calottes. Une fois en pantoufles et en robe de chambre, la calotte n'a rien d'extraordinaire et je me fais chauve, mon capitaine. Quel diable de froid il fait ici ! Ça donne au nord, ces fenêtres-là, et pas de bourrelet. « Mademoiselle de V, fit-il en se retournant vers ma tante, « vous allez vous enrhumer. » Puis, comme de nouveaux cris se faisaient entendre, « allons voir la petite reine. » Et nous rentrâmes dans la chambre à coucher où ma pauvre femme attendait son bébé au milieu des douleurs. Sa mère était à ses côtés et, tout en lui disant « du courage, ma chérie, il faut payer le bonheur, du courage », elle lui souriait. Mais de grosses larmes brillaient dans ses yeux et elle se retournait de temps en temps pour les essuyer. Sur la commode étaient étalés deux ou trois petits paquets tout blancs entourés de faveurs bleues et roses. C'était la première toilette du bébé, toute prête à mettre et sentant bon. Je pris l'un des petits bonnets et j'en coiffai mon poing qui l'occupa tout entier. « Viens donc, dit plus bas la malade qui m'avait aperçu, viens me donner une poignée de main. » Alors, elle m'attira à elle et me dit à l'oreille, « Tu seras donc bien heureux de l'embrasser, le cher petit ?» Sa voix était si faible et si tendre en me disant cela. « Ne retire pas ta main, cela me donne du courage. » Je restai ainsi, tandis que le docteur, qui avait endossé ma robe de chambre, cherchait vainement à emboutonner les boutons. De temps à autre, ma bonne petite femme me serrait la main avec une violence extrême, fermait les yeux comme quelqu'un qui souffre, mais ne poussait pas un cri. Le feu pétillait dans la cheminée, le balancier de la pendule poursuivait son tic-tac monotone, mais il me semblait que ce grand calme n'était qu'apparent, que tout ce qui m'entourait devait être dans l'attente comme moi et partager mon émotion. Dans la chambre à coucher voisine, dont la porte était entr'ouverte, je voyais le bout du berceau et, reflété par la lumière, le profil crochu de la garde qui sommeillait en attendant. Ce que j'éprouvais était quelque chose d'étrange. Je sentais un sentiment nouveau me germer dans le cœur. J'avais comme un corps étranger dans la poitrine, et cette sensation si douce était pour moi si nouvelle que j'en étais comme effrayée. Je sentais ce petit être qui était là sans être encore, je le sentais s'accrocher à moi, sa vie m'apparaissait tout entière, je le voyais à la fois enfant et homme fait, il me semblait que ma propre vie allait se dédoubler en lui, et j'éprouvais de temps à autre d'irrésistibles besoins de lui donner quelque chose de moi-même. Vers les 11h30, le docteur, ainsi qu'un capitaine de vaisseau qui consulte la boussole, tira sa grosse montre, marmotta quelques mots et s'approcha du lit. « Est-ce que tu crois que le moment approche, Jacques ?» lui dis-je. « Je crois que dans une demi-heure, la petite chérie aura fait son entrée dans le monde. Regarde bien l'heure à la pendule. »« Comment, la petite chérie ? Mais, mon bon ami, tu sais bien que ça doit être un garçon. Pas de plaisanterie. »« Est-ce que vous avez quelques indices ?» ajouta ma belle-mère. Jacques éclata de rire. « Ceci me rappelle, dit-il, qu'à la maternité, il y avait un perroquet. Ce perroquet répétait toujours « Mais tais-toi donc, comment ? Tu as le cœur de raconter des histoires, tandis que ma pauvre femme souffre. Du courage, ma chérie. » Eh bien, justement, ce perroquet répétait perpétuellement « Du courage, ma bonne. » On la fit tuer, la pauvre bête, parce qu'elle avait mangé la pantoufle de sœur Ursule. Bientôt, les douleurs devinrent extrêmes. Ma chère petite, qui allait devenir mère, poussait de grands cris qui me donnaient le frisson. J'étais si fort irritée de ne pouvoir point soulager ses souffrances que pour un rien, j'aurais souffleté quelqu'un. Jacques devint sérieux, ôta ma robe de chambre et la lança sur un meuble. Je le regardais comme un marin qui regarde le ciel à l'approche de l'orage. « Allons, chère bonne amie, disait-il à ma femme, du courage, nous sommes là autour de vous, tout va bien. Avant 5 minutes, vous l'entendrez crier. » Mais la pauvre malade poussait des gémissements à fendre l'âme. Elle me serrait le bras et par moments, ses ongles m'entraient dans la peau et je sentais de grosses gouttes de sueur froide qui coulaient sur mon front. Ma belle-mère, hors d'elle-même, se mordait les lèvres et chaque angoisse de la malade venait se peindre sur son visage. Son bonnet s'était dérangé et elle était si singulièrement coiffée qu'en toute autre circonstance, j'aurais éclaté de rire. À un moment, j'entendis la porte du salon qui s'entr'ouvrait et j'aperçus, l'une au-dessus de l'autre, les deux têtes de mes tantes et plus loin dans le salon, celle de mon père, qui torturait sa grosse moustache blanche avec une certaine grimace qui lui était familière. « Fermez la porte !» s'écria le docteur en colère, « qu'on me fiche la paix !» Et avec le plus grand sang-froid du monde, il se retourna vers ma belle-mère et dit « Je vous demande 1000 pardons ». Mais il s'agissait bien alors des brusqueries de mon vieux camarade. La porte se ferma immédiatement. « Tout est-il prêt pour le recevoir ?» ajouta le docteur en grognant. « Oui, mon bon docteur, » répondit ma belle-mère. Enfin, après une affreuse plainte, il se fit un silence, et le docteur éleva bientôt en l'air un petit être tout rose qui, presque immédiatement, poussa un cri perçant comme une aiguille. Je n'oublierai jamais l'impression que me produisit l'apparition de ce petit corps, arrivant là, tout à coup, au milieu de la famille. Nous y avions pensé, rêvé, je l'avais vu dans mon esprit, mon bébé chéri, jouant au cerceau, me tirant la moustache, essayant son premier pas, ou dans les bras de sa nourrice, se gorgeant de lait comme un petit chat gourmand. Mais je ne me l'étais pas encore figuré, inanimé, presque sans vie, tout petit, ridé, déplumé, grimaçant, et charmant, aimé malgré tout, adorable, le pauvre petit lait. Ce fut une singulière impression et tellement étrange qu'il est impossible de la comprendre à moins de l'avoir éprouvée. « A-t-il de la chance ? L'officier, murmura le docteur en tournant l'enfant de mon côté, c'est un garçon. Un garçon ? Et Rabelais, mon capitaine. En vérité, un garçon. » Cela m'était indifférent, maintenant. Ce qui me causait une émotion indéfinissable, c'était cette preuve vivante de paternité. c'était ce petit être qui était à moi. Je me sentais hébété devant ce grand mystère de l'enfantement. Ma femme était là, pâmée, anéantie, et le petit être vivant, ma chair à moi, mon sang à moi, braillant et gesticulant au bout des bras de Jacques. J'étais abasourdi, comme un ouvrier qui, sans s'en douter, enfante un chef-d'œuvre. Je me sentais tout petit devant cette œuvre frémissante et, franchement, j'étais un peu honteux d'avoir fait si bien sans presque y prendre garde. Je ne me charge pas de vous expliquer tout cela, je vous raconte mes impressions. Ma belle-mère présenta son tablier et le docteur déposa l'enfant sur les genoux de sa bonne maman en lui disant « Allons, sauvage, tâche de ne pas être plus mauvais que ton gueux de père. Maintenant 5 minutes d'expansion. Au fait, mon capitaine, embrasse-moi donc. » Et nous nous embrassâmes de bon cœur. Le petit œil noir du docteur brillait en clignotant plus qu'à l'ordinaire. Je vis bien qu'il était ému. « Est-ce que ça t'a fait quelque chose, mon capitaine ?»« C'est le cri. »« Ah, je connais cela. C'est une aiguille à tricoter dans le cœur. »« Oui, la garde. Ah, la voilà. Ça ne fait rien. Il est rablé, ce petit lancier. Ouvre donc la porte aux prisonniers qui sont dans le salon. » J'ouvris la porte. Tout le monde écoutait derrière. Mon père, les deux tantes, tenant encore à la main, l'une son chapelet et l'autre son Voltaire. Ma nourrice, la pauvre vieille, qui avait pris un fiacre. « Eh bien, me dit-on avec anxiété, eh bien, c'est fini, c'est un garçon, entrez, il est là !» Vous ne vous imaginez pas combien j'étais heureux de voir, dans tous ces visages émus, le reflet de mon émotion. On m'embrassait, on me serrait les mains, et je répondais à toutes ces tendresses sans savoir au juste qui me les adressait. « Sacré !» murmurait mon père à mon oreille en me tenant enlacé dans ses bras. Il avait conservé sa canne et son chapeau à la main. « Sacre !» Mais il ne pouvait pas achever. Quelque bonne envie qu'il eût de faire le brave, une grosse larme brillait, tremblotait au bout de son nez. Il fit « hum » derrière sa moustache et finalement fondit en larmes sur mon épaule en me disant « c'est plus fort que moi ». Et moi, je fis comme lui, c'était aussi plus fort que moi. Cependant, tout le monde entourait la grand-maman qui soulevait un coin de son tablier et disait « est-il beau, notre chéri ? Est-il beau ?» « La garde, faites chauffer les langes, donnez-moi les bonnets. »« Fais la risette à tante, » chantonnait la tante en faisant sautiller son chapelet au-dessus de la tête du bébé. « Fais la risette. » »« Demandez-lui donc par la même occasion de vous réciter une fable, » ajouta le docteur. Pendant ce temps, ma femme revenait à elle, elle entr'ouvrait les yeux et semblait chercher quelque chose. « Où est-il ? » murmura-t-elle d'une voix affaiblie. On lui montra le tablier de sa mère. « Un garçon, n'est-ce pas ?» Et me prenant la main, elle m'attira à elle et me dit tout bas, « Es-tu content de moi ? J'ai fait de mon mieux, mon ami. » « Voyons, pas d'émotion, » s'écria le docteur. « On s'embrassera demain. Mon colonel, » dit-il à mon père, qui avait toujours sa canne et son chapeau, « empêchez-les donc de s'embrasser. Pas d'émotion et que tout le monde sorte. Je vais habiller le petit lancier. Passez-moi l'homme, bonne maman. Viens ici, sauvage. » Vous allez voir si je sais attacher les épingles. » Il prit le bébé dans ses deux grosses mains et s'assit devant le feu sur un tabouret. Je regardai mon garçon que Jacques retournait comme une poupée, mais avec une adresse extrême. Il l'examinait de tous les côtés, le tâtant, le palpant, et à chaque épreuve, il disait en souriant « Il est rablé, allons, il est rablé !» Puis, il entortilla dans les couches les langes, coiffa sa petite tête déplumée d'un triple béguin. Fixa sous le menton un ruban plié en double pour empêcher sa tête de tomber en arrière, puis satisfait de son petit travail, « Vous m'avez vu faire, la garde. Eh bien, il faut tous les matins habiller ce lancier-là de la même façon, jusqu'à demain de l'eau sucrée. La maman n'a pas de fièvre, allons, tout va bien. A-t-il de la chance, ce capitaine ? Moi, j'ai une faim, il est 1 heure du matin, sais-tu ? Tu n'as pas un vieux perdreau froid ou un vieux morceau de pâté dont on ne fait rien ? Ça me serait agréable avec une bouteille de quelque chose. » Nous allâmes tous deux dans la salle à manger et nous mîmes le couvert sans plus de façon. Je n'ai jamais de ma vie autant bu et autant mangé que ce matin-là. « Allons, va te coucher, » me dit le docteur en mettant son paletot. « Demain matin, vous aurez la nourrice. Au fait, non, je viendrai te prendre. Nous irons la choisir ensemble. C'est curieux. Sois sous les armes à 8h30. »